C'est quand tu veux. Moi, tu veux t'aider, tu veux, il faut qu'il parle. Bon. Je suis venu en France à. Mais. À l'âge. À l'âge de 17 ans. En France. À non trouver du travail. Attendre, rester 3 mois sans travailler. Enfin, j'ai trouvé un patron pour faire la maçonnerie. J'ai rencontré ma future femme en très bon mariage. Et ma femme m'a donné de bons 3 enfants, un garçon et 3 filles. Je suis fier d'être en France. Mon pays. Pays Portugal sera très loin derrière moi. Ma vie est faite en France avec ma femme et mes enfants, petits-enfants, et ma vie qui je m'y suis fait en France. Excusez-moi.